الحمد لله الحمد لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء كتب على نفسه البقاء وكتب على خلقه الفلاء وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد القائل سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه ومجتباه بعثه الله بين يدي الساعة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعاقب الليل والنهار ثم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها وصية الله للأولين والآخرين يا أيها لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Donc le conseil qu'on se donne mutuellement au début de ce prêche, c'est un conseil de taqwa, conseil de piété. Ce conseil qui était donné au premier et au dernier. مواصلة دائما في سلسلتنا التي أسميناها رحلة الخروج والعودة. Donc toujours on continue dans notre série qu'on a intitulée le voyage de retour et de la sortie. وكنا قد تحدثنا المرة الماضية عن الساعة. On avait parlé de الساعة, de l'heure de jugement, le jour de jugement. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يخفي عنا الساعة. Donc Allah par sa sagesse, et on a cité certaines sagesses de tout ça, il nous a caché le moment de l'arrivée de l'heure, يوم القيامة. لكن حكمته ورحمته سبحانه وتعالى اقتضت أيضا أن يبين لنا علاماتها وأشراطها. Aussi par sa sagesse et sa miséricorde, il nous a montré les signes précurseurs ou les signes avant-coureurs de Sa'a. وكنا قد وعدناكم أننا سنتحدث عنها اليوم. Donc on vous a promis aussi de consacrer un prêche pour cela. وقد قسم العلماء أشراط الساعة وعلاماتها إلى قسمين اثنين. Donc les savants ils disent qu'il s'agit de deux types de أشراط الساعة, des signes précurseurs. أشراط كبرى وعلامات كبرى وأشراط صغرى. Donc il y a les grands signes, après il y a les petits signes. والفرق بين هذين القسمين أن أشراط الساعة الصغرى منها ما ظهر ومنها من لم يظهر وأشراط الساعة تأتي يعني الصغرى تأتي قبل الكبرى أما الكبرى فتلك التي تكون فيها الفتن عظمى وتكون قبيل قيام الساعة. Donc les petits signes, certains de petits signes sont déjà apparus et certains vont arriver. Et c'est des signes qui viennent avant les grands. Après, il y a les grands qui vont venir, et dans ce moment des grands signes, il y a plus de tentations, plus d'épreuves. Et ceux-là vont venir, vont avoir lieu tout juste avant l'arrivée de l'homme. لكن دعونا نتحدث اليوم عن بعض أشراط الساعة الصغرى. Donc laissez-nous, inshallah, consacrer ce prêche pour certains des signes, des petits signes. فأول شرط أول شرط وأول علامة من العلامات وهي أكبرها هي مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حدثناكم الأسبوع الماضي بحديث الترمذي الذي يرويه الإمام أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار إلى السبابة والوسطى. Donc on avait déjà parlé de ça la semaine passée. Un premier signe, c'est l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela selon le hadith de l'imam al-Tirmidhi, selon Anas ibn Malik, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait, j'étais envoyé Issa'a le jour du jugement, comme cela. Et il a montré l'index et le majeur, sallallahu alayhi wa sallam, pour dire, فَمَجِئُ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam كَآخِرِ نَبِيٍ وَآخِرِ مَبْعُوثٍ هُوَ إِعْلَانٌ بِقِيَامِ السَّاعَةِ. Donc l'arrivée du dernier messager, c'est une annonce de l'arrivée de l'heure. أيضا علامة أخرى ظهرت وهي ظهور الدجالين ومدعي النبوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة كما في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم من حديث ثوبان وغيره حديث أبي هريرة أيضا قال بين يدي الساعة كذابون مدعي النبوة وقال في رواية أخرى يجاوزون الثلاثين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait parlé aussi d'un deuxième signe, le signe de l'apparition des faux messagers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, qui est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, qu'il va avoir avant l'arrivée de l'heure 30 personnes qui vont être autoproclamées messagers. وقد أظهر التاريخ منهم فبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قبل موته صلى الله عليه وسلم ظهر مسيلمة وظهر الأسود العنسي وظهرت سجاع وظهر بعد ذلك أحد مدعي النبوة في ثقيف وظهر حتى ظهر صاحب مؤسس البهائية مؤسس القديانية ميرزا محمد غلام وما زال يظهر من بين الحين والآخر رجل يدعي النبوة. Donc l'apparition de ces faux messagers, elle a eu lieu. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu Musaylima, qui s'était autoproclamé messager. Après, il y a eu par la suite Al-Aswad Al-Ansi, Sajah, d'autres, certains dont Yémen, autres ailleurs, jusqu'à l'arrivée de Mirza Muhammad Ghulam, le fondateur de l'Qidianisme, ce qu'ils appellent maintenant une tendance qui dérivait de cette tendance qui existe jusqu'à maintenant. Aïvan, من العلامات ظهور الفتن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة فتن كقطع الليل يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. Donc aussi parmi les signes de l'apparition, le signe avant-coureur du jour du jugement, les petits signes, c'est les grandes tentations, les grandes épreuves. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui vont avoir lieu comme qita' al-layl, c'est-à-dire comme les parties de noirceur de la nuit. Vous voyez les parties de la noirceur de la nuit, on ne peut pas les distinguer. Donc ça veut dire des tentations après tentations, des épreuves après épreuves. Et là on voit maintenant, on voit des guerres, des problèmes, les tueries, les assassinats. Chaque fois il y a une épreuve. Des épreuves qui viennent une après l'autre. Jusqu'à où les médias ils n'arrivent même pas à les cerner tous. Dire tellement il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de problèmes. Aïvan, alamati al-bariza, wa kama qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, salamul khassa, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala bayna yaday sa'a, salamul khassa, wa qat'u al-rahim, wa shahadatu al-zur, wa fushumu al-qalam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait parlé aussi d'un des signes aussi. Ça veut dire le salam spécifique aux certains. Ça veut dire salamul khassa. Parce que comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths, il disait un conseil. Voulez-vous que je vous indique quelque chose par lequel vous allez rentrer au paradis? Il a dit, oufchou salam, répondez salam, distribuez salam à tout le monde. Et là, un des signes avant-coureurs, c'est salamul khassa. Ça veut dire, moi je viens dans le groupe, je fais salam juste à un frère. Salam al-khassa. وهذا لم يكن في عرف المسلمين. Il n'était pas dans la coutume des musulmans. Mais il devient, et on le voit, salam al-khassa, on le voit quand quelqu'un il vient pour désigner juste une personne, salut. هذا ليس من عرفنا, ليس من عرفنا, لنا إلا دخل. بل من عرفنا إذا دخلنا وأنت تجد رجلا واحدا في البيت أو امرأة واحدة في البيت فتقول السلام عليكم, رغم أنه صح أن نقول السلام عليك, السلام عليك, لكن نقول السلام عليكم. Vous voyez que nous, au contraire, notre salam, il est dit et il est toujours dit pluriel, même si c'est pour une personne. Parce que littéralement parlant, en vérité en arabe, quand on fait une salutation à quelqu'un, on dit salam alayka. Ou une femme, on dit salam alayki. Mais nous, on dit salam alaykum, même s'il s'agit d'une personne. Bal, annaka tadkhulu baytak, wa la tajidu ahadan fataqulu salam alaykum. Awwala dhalika ba'd al-ulama annahu salamun ala al-malaika. Même certains ils rentrent chez lui, ils trouvent personne, ils disent salam alaykum, salam à qui? Certains ils ont dit c'est pour les anges. Vous voyez toujours notre salutation, elle est alaykum, alaykum, au pluriel. Lakin, هنا parmi les signes, قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا وشهادة الزور وقطع الرحم. Le fait de couper les liens de parenté, le fait d'avoir des faux témoignages. وقال وفشوم القلم, ça veut dire que l'écriture elle devient, c'est-à-dire les gens, ils deviennent instruits. أيضا من العلامات البارزة هو انقلاب الموازين. C'est c'est-à-dire parmi les signes aussi qu'on les voit vraiment clairs, c'est les paramètres du jugement, ils vont être carrément ébranlés. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال هو الرجل التافه يتكلم في شؤون العامة. Donc aussi un des jugements, on le voit clair, ce hadith de l'imam al-Tirmidhi qui parle de changement de paramètres qui ne vont pas être vraiment stables, au point que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit avant coureur, avant l'arrivée de l'heure, il va avoir des signes, des années de trahison où on démentit le véridique et on rend véridique le menteur et on croit que l'honnête, l'homme honnête est malhonnête et on rend malhonnête, honnête, l'homme malhonnête. Et les gens, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune valeur, vont se prononcer. Il a dit Rouaybida. Sahaba, ils ne connaissaient pas le mot Rouaybida. Ils ont dit à Rasulallah, Omar Rouaybida, c'est qui ce Rouaybida? Il a dit l'homme vil, sans valeur, qui se prononce au sujet des thèmes qui concernent l'âme, qui concernent tout le monde. يعني يعين صحفي معروف وهو كذاب أصلا ويكذب الأمين فأصبح الناس يتهمون البخاري ويتهمون مسلم ويتهمون بعض الأعلام أنهم كذابين ويخون الأمين أصبح الرجل الأمين يعني لهم أولاد وكخواكي مالونة ويتهمون والرجل المالونة ولديزين بريزيدون كاريمون يؤمن ولديزين بريزيدون la responsabilité, la plus haute responsabilité, on confie à un homme malhonnête. Et là, vous le voyez autour du monde musulman, ailleurs. Et voyant tes porroïbida, c'est-à-dire l'homme qui n'a aucune valeur, il se prononce au sujet. On trouve des gens insensés, qui n'ont aucune valeur, ils ont vie. Aucune valeur, ni scientifique, ni rien du tout, il se prononce. فَهَذَا عَلَامَ مِنَ الْعَلَامَ الظَّهَرَ أيضاً مِنَ الْعَلَامَةِ الَّتِي ظَهَرَتْ وَقَالَ عَنْهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم شُرْطَةٌ يَحْمِلُونَ فِي أَيْدِيهِمْ سِيَاطًا كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَرُوحُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَيَعُودُونَ فِي سَخَطِهِ. Le prophète صلى الله عليه وسلم il parlait d'une shurta, une police, une force de l'ordre qui était injuste en train de faire supporter les gens des coups, leur donner des coups. Il a dit, ils vont le matin dans Sakhat Allah, dans la malédiction, dans la colère d'Allah, et il revient aussi dans la colère d'Allah. Il le voit dans des systèmes tyranniques dans le monde musulman ailleurs, et ce système, il est tenu juste par une force de sécurité injuste. Dès qu'ils trouvent quelqu'un, ils le font supporter les grandes supplices du monde. Les grands châtiments du monde. Et cela, il a été indiqué dans des hadiths authentiques. Le hadith Allah ou l'imam al-Tabarani ou fil mu'ajam al-Awsat. Aussi, parmi les fitan, allati tadhhar, aydan qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith akhar, qala fushuw al-riba wa fushuw al-zina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé aussi de l'apparence, vraiment l'abondance de riba, l'usure, et zina, ou al-khamr. Donc aussi le khamr. Et on le voit clairement dans le monde musulman, zina. حتى أن قلنا لا لا تكاد مسلما تجد مسلما تزوج زواجا حلالا مباشرة بل بدأ علاقته بالزنا وبعد ذلك يريد أن يكون الحلال. هذا هؤلاء المسلمون لا نتحدث على غير المسلمين بل غير المسلمين الزنا يعني أصبح عاديا عندهم. Je parle des musulmans dans lequel on trouve même pas des musulmans maintenant, certains musulmans pratiquants, même pratiquants. Il tombe dans Zina, après il veut rendre légitime sa relation. Comme min marra, combien de fois des gens viennent me voir pour me dire ouais, je suis tombé dans haram et je veux. Moi, ceux qui ne connaissent pas la religion, ils sont toujours dans leur relation légitime. On ne parle pas des non-musulmans. Non-musulmans, leur relation légitime, c'est devenu carrément de courant, quelque chose de courant. Aïdan, min al-alamat. وتتبع خطوات الآخرين النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك النبي صلى الله عليه وسلم parlait aussi d'un des signes, le fait de suivre les coutumes des communautés qui nous ont précédés, des gens de livre. فانتم ترون حتى ان ربما اكبر شجره عيد الميلاد كانت في بلدان المسلمين لم تكن في اوروبا ولا في امريكا. C'est-à-dire à la fête de Réveillon, le sapin le plus grand du monde, il était dans un pays musulman. Et il se vante d'avoir le sapin le plus grand du monde. هذا في الظاهر. أما أمور أخرى فقد تتبعنا. أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفشو والشرك وظهر من بين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بين العلامات تداعي الأمم على الأمة الإسلامية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي يرويه ثوبان رضي الله عنه قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من قلوب أعدائكم مهابتكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال محبة الدنيا وكراهية الموت. Donc aussi parmi les signes, c'est le fait que beaucoup de communautés conspirent et se tournent autour de la communauté musulmane. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith de mise en garde, les gens vont vous entourer comme on entoure le qis'a, c'est-à-dire le plat sur lequel on est invité à manger. Ils ont dit, sommes-nous ya Rasulallah peu. Il a dit, vous serez nombreux, mais vous serez vous serez vraiment comme les petites plantes qui sont prises par l'eau. Ils ont dit, wala yaqdhifanna Allah fi qulubikum al-wahn, Allah il retire de vos ennemis votre respect, votre crainte. Il vous envoie l'ouahan, l'ouahan qui veut dire littéralement la faiblesse. Ils ont dit, c'est quoi l'ouahan ya Rasulallah? Il a dit, le fait de s'accrocher n'importe comment à aimer ce bas monde et détester l'au-delà. Antum tarawnahu ra'ya al-ayn. Kayfa anna al-ummah al-islamiyyah la yu'ayyiruna laha ya'ni i'tibar. Vous voyez comment la communauté musulmane, elle a aucune, c'est-à-dire toute, quand je dis la communauté musulmane, je ne parle pas de la communauté musulmane ici, je parle de le monde musulman. Elle a aucune valeur. Comment elle est dispersée et tout. Et c'est là des signes. وهناك هناك أشراط أخرى لأرى أن الوقت قد دهمنا أتوقفها هنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة على النبي المصطفى. إن ذكر الأشراط ليس المراد منها والإخبار بالغيب فقط. Donc le fait de nous annoncer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de nous annoncer les signes avant-coureurs de l'au-delà, ce n'est pas le but uniquement de ça, juste pour nous informer sur l'invisible. Wa in kan al-ikhbaru bil-ghayb ussun min usus al-aqida. Même le fait d'invoquer des choses de l'invisible font partie d'un pilier de piliers de l'aqida. Parce que c'est un yawm al-akhir. C'est surtout qu'il s'agit de jour du jugement. Lakin laysa hadha wa la dafa. بل هدف ثاني تربوي عادة ما نغفل عنه. Il y a un but aussi éducatif qu'on a tendance des fois de l'oublier, de rester juste sur les informations. من هدف من يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فشو الكذب وفشو الزنا وكثرة الهرج. أيضا من العلامات كثرة الهرج. قيل وما الهرج؟ قال القتل. صلى الله عليه وسلم il avait parlé aussi de كثرة الهرج, le fait que les gens ils se tuent sans arrêt. On voit le nombre de morts chaque jour. أيضا سيكون البيت ما هو الهدف من كل هذا؟ قلنا هناك هدف تربوي لأن المسلم وهو يستمع لهذه العلامات فشو الكذب وكثرة الزنا وكثرة الربا وكثرة الهرج وكذا وكذا من الأمور. مسلم quand il entend tout ça en vérité النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد من ذلك فقط أن يخبر لا pas voulu uniquement nous annoncer بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون للمسلم موقف هاهنا ويتجنب كل هذا. Il a voulu que les musulmans évitent tout ça. Ça veut dire, même si le riba il est répandu, il ne faut pas que tu tombes dans le riba. Même si le zina il est répandu, il ne faut pas que tu tombes dans le zina. Même si le haraj, le qatl, l'assassinat il est répandu, il ne faut pas que tu tombes dedans. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال بدأ الإسلام غريبا وسوف ينتهي غريبا فطوبى للغرباء. الحديث في الصحيحين. قيل وما الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون حينما يفسد الناس أو حينما يفسد الناس. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit clairement dans un autre hadith Il a dit l'islam, il est apparu étranger, il va terminer étranger. Et bonheur aux étrangers. Il a dit à Rasulallah, les compagnons, ils ont dit, qui sont ces étrangers? Il a dit, ceux qui font du bien quand les gens font mal. Ceux qui réforment quand les gens ils déforment. Donc l'idée, le musulman, وهو موقفه ها هنا هو أن يعني يتجنب أخطاء الناس ولا يتبع ولا يقول أن الزمان فسد فنحن نفعل مثل ما يفعل الناس. فلا يجب أن يرى المسلم أن الزنا أمر هين لأن الناس كلهم يزنون، ولا يجب أن يرى الربا أمرا هين لأن الناس كلهم يقعون في الربا، ولا يجب أن يرى القتل أمرا هين لأن الناس يقتلون، ولا يجب أن يفعل كذا. Donc les musulmans, il ne faut pas qu'ils tombent dans la tendance de suivre la masse. Parce que le prophète sallam, il parlait de bonheur aux étrangers. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا موقف شديد على الإنسان ليس من الشهر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القابض على دينه كالقابض على الجمر. Prophète صلى الله عليه وسلم, il a parlé de cette situation difficile. Il a dit celui qui retient sa religion, c'est comme celui qui retient une braise. أنتم ترون أن تطبيق الدين لم يصبح سهلا الآن حتى في البلدان الإسلامية. Beaucoup de frères ils disent on va faire hijra. En croyant quand il fait hijra, il va aller à Médine. Non, il existe Médine, ça existait à l'époque du prophète. Hijra, que tu vas en Arabie Saoudite ou ailleurs, ça sera toujours la même chose. C'est-à-dire il y aura toujours peut-être d'autres épreuves, peut-être moins d'épreuves dans certains domaines, mais plus d'épreuves dans d'autres. Donc ne crois pas à ce monde de cette ville de vertu parce qu'elle existait juste dans la philosophie de Platon. Elle n'existe pas dans la réalité. C'est-à-dire cette Donc n'attends pas cette hijra dans laquelle tu peux pratiquer le dîme, tout le monde est pieux. Non, ça n'existe pas. Donc, c'est-à-dire celui qui tire. Donc l'idée, le musulman wa yastami'u ila hadhihi al-fitan. Awalan yad'u Allah subhanahu wa ta'ala an la yuqi'ahu fi hadha al-fitan. Wa yad'u Allah subhanahu wa ta'ala in arada bin nasi fitna an yaqbidahu ilayhi ghayra fatinan wa ghayra maftun. Wa an yuthabbitahu ala dinih. لأن هذه الفتن من ثبت فيها فقد كان من الغرباء الذين تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. Donc devant ces épreuves, devant ces descriptions prophétiques, il faut pas qu'on reste juste dans l'information. Ah oui, on connaît. Ou on diverge sur les. Non, le but c'est que l'être humain, le musulman, il faut qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver, de tomber dans ses tentations et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala si il veut une épreuve massive sur tout le monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le prendre sans être éprouvé. Et ويسأل الله أن يثبته. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا في ديننا ويحفظنا في دنيانا وأخرانا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت يا رب العالمين في الدنيا والآخرة. اللهم إن أردت لعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم ثبتنا على دينك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبت أقدامنا وتب علينا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في الشام، وانصرهم في العراق، وانصرهم في ليبيا وفي اليمن. اللهم خفف على إخواننا أذاهم يا أرحم الراحمين، وما أصيبوا به يا أرحم الراحمين. اللهم اشف إخواننا المرضى في كل مكان. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الوباء والبلاء يا رب العالمين والغلاء. اللهم ثبت أقدام في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم ارحم موتانا رحمة واسعة. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد فلا تحرمنا في الاجتماع في مستقر رحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما، ولا تجعل معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقوموا لصلاتكم وارحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا Avancez, barakallahu fikoum. Essayez de réduire les espaces, barakallahu fikoum. Mais allez, si vous ne pouvez pas prosterner, vous pouvez prosterner sur les pieds ou là, même sur le dos des frères. Reculez juste un petit peu. Stabilisez-vous. يستووا بارك الله فيكم يعتدلوا قد بقول